Poirier, animé par des spécialistes et des passionnés. L'Aérospatiale est le seul magazine radio entièrement dédié à l'univers des arts visuels à Québec. Jean-Tiens de la France anime cette émission en compagnie d'une équipe de collaborateurs. Chroniques, entrevues, reportages, capsules, revues de presse et tables rondes vous font découvrir sous toutes ses facettes les arts visuels à Québec. Communication, culture. Bonsoir, bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio dédié à l'univers des arts visuels à Québec sur les ondes de CKRL 89.1. Jean-Tiens de la France avec vous au micro pour cette prochaine heure. On va parler d'art, on va parler de collectionnement avec Claire Dumoulin. Bonsoir Claire. Bonsoir Jean-Tiens. Et ensuite, on va avoir l'occasion de s'entretenir peut-être avec Georgia Volpe. Là, je suis encore en train de citer quelques petits détails, vive les joies du direct. Donc Georgia Volpe qui a un projet qui est présenté actuellement à la bibliothèque Monique Corriveau, donc qui se nomme Sous le parvis, la plage, donc un projet en collaboration avec les citoyens et citoyennes du quartier environnant à Sainte-Foy. Ensuite, en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Laetitia Baumel et Pierre Barrelon qui exposent actuellement à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Donc, une exposition qui met en dialogue les photographies de Pierre Barrelon et les mots de Laetitia Baumel, donc la poésie de Laetitia Baumel. Donc, ils vont avoir un lancement de livre demain en même temps que leur vernissage. Donc, on va avoir l'occasion d'en parler un peu plus en profondeur avec eux en deuxième partie d'émission. Et à la toute fin, Anne-Sophie Omar vient nous parler des prix Vidéré. Donc, j'en parlais avant l'émission avec Jessica Leb. Les prix Vidéré qui ont été remis cette semaine, donc qui récompensent là, des artistes de tous les moments de leur vie, les moments de leur carrière, j'ai la difficulté de le formuler, mais donc de la relève et des artistes bien établis. Donc, sur ce, je vous laisse avec un extrait de la sélection musicale de Simon Roy qui nous présente cette semaine Block Data, donc un projet de musique assez éthéré, ambiante. Donc, on en écoute un extrait et au retour, je m'entretiens avec Claire Dumoulin. Thank you. Alors, c'était le titre Tethered de Block Data. Bonsoir, Claire Dumoulin. Bonsoir, Gentiane. Donc, Claire, tu nous proposes de nous parler de collectionnement, d'aborder un peu le sujet du collectionnement. C'est un gros mot, collectionnement. Les gens peuvent avoir peur de collectionner, peuvent avoir peur de prendre des mauvaises décisions. Donc, toi, tu nous présentes quelques pistes. Je pense que c'est après avoir lu, je l'ai vu passer également, l'article « Avoir 30 ans et sa collection d'art » qui est passé, c'était sur Radio-Canada? Oui, RAD, le laboratoire de journalisme de Radio-Canada, oui. Donc ce qui est vraiment le versant web et réseaux sociaux, ils avaient une manière de vraiment décomplexer le collectionnement, donc amorcer sa collection personnelle d'œuvres d'art en présentant deux personnes à peine âgées dans la trentaine. Et c'est sûr que j'aimais la façon qu'ils parlaient, que les gens, quand ils avaient acquis des œuvres, ils semblaient vraiment aider puis contribuer à la pratique de l'artiste. Et c'était vraiment pour se rapprocher de l'artiste, de sa pratique. Il y avait quelque chose de relationnel. Oui, c'était un engagement, puis c'était vraiment un statement, si on peut dire en bon français. Mais il y avait quand même le côté que c'était une notion de sacrifice aussi qui rentrait dans l'équation, parce que l'acquisition d'œuvres, on ne se cachera pas, c'est quand même, ça a un impact sur notre budget. Oui. Et puis, ces personnes-là le disaient comme, j'ai choisi de ne pas avoir d'auto, je fais un peu moins de voyages par année ou je n'en fais pas pantoute. C'est dans le sens que c'était assez réaliste et concret. Puis là, c'était comme une fierté pour eux. Puis ça contribuait à leur bien-être. Donc, je trouvais ça vraiment... C'est ça, c'est un élément bonheur aussi qui vient avec l'art, on le dit, les études le disent. Mais de côtoyer de l'art, c'est bon pour l'intellect, mais c'est aussi bon pour l'esprit. Exactement. Donc, au-delà de d'orner notre appartement, notre milieu de vie, de décorer, je sais que c'est un peu péché de dire ça, mais ça fait partie de notre décor, notre environnement. Si on décide d'accrocher de l'art, si, parce que c'est plus facile, évidemment, du bidimensionnel qu'une installation immersive. Oui, ça dépend de la grandeur du salon. Exactement. Mais si on pense à les gens de la cité des Moiloux, mettons, on est dans l'appartement, beaucoup. Et donc, pour les gens qui sont, justement, dans des espaces réduits et avec des budgets qui permettent pas là, moi je suis pas rendue là personnellement dans ma vie. Alors il y a d'autres alternatives. Par exemple à la bibliothèque Capri-Leroy, peut-être que vous connaissez l'Artothèque. Oui, donc on peut louer des œuvres d'art à des prix très très bas là. Ah oui, vraiment. C'est 4 $ pour 3 mois et on peut renouveler comme on renouvelle nos livres 2 fois. Donc, ça peut être 9 mois pour 4 $ pour une œuvre. Et j'ai été faire un tour pour essayer de tester un peu. Évidemment, ça a été créé en 1983. C'était à l'époque très audacieux. C'est encore assez audacieux. C'est peu fréquent. Il semblerait que c'est encore l'une des seules bibliothèques au Québec à offrir vraiment de l'allocation d'œuvres d'art au grand public. Et c'était pour, évidemment, démocratiser l'art. Ça participe vraiment. La collection, c'est évidemment... Là, on parle de plus de 1400 œuvres. On parle beaucoup de d'estampes originales et des reproductions. Oui. L'idée, c'était de que ça représente un peu tous les grands mouvements, les grandes tendances des courants artistiques. Puis qu'il y en ait pour tous les goûts aussi. Exactement, oui. Donc, c'est pas nécessairement un art de recherche très, très poussé qui va plaire à quelqu'un qui va dans les centres d'artistes ou qui cherche quelqu'un de quelque chose de très précis. Mais il y en a de ça aussi. Il y en a aussi. Oui. Le problème, c'est qu'ils sont, j'ai vérifié, et ils sont pas mal toujours empruntés. Donc, les artistes vivants de Québec qui ont la cote, ils sont pas mal toutes sorties. Alors, quand on passe sur place, il faut y aller souvent. Mm-hmm. Là, j'ai été le voir, puis j'avoue que j'ai pas eu de coup de cœur... mais il faut y retourner. Il faut y retourner et c'est très facile au fond. C'est au deuxième étage et vous les avez déjà vus peut-être les supports verticaux et on passe à travers et on se rend au rez-de-chaussée avec notre œuvre et on a une boîte pour l'emprunt. Et donc c'est simple. J'espère que dans la revalorisation, la reconstruction de la bibliothèque Gabriel-Leroy, là, ça va être transformé. Quelle place aura cette... C'est une question qu'on se pose. C'est sûr. Oui. Et puis parce que quand on regarde le catalogue d'œuvres en 2017, il semblait y avoir qu'une seule estampe qui avait été acquise. Donc, est-ce qu'on peut revitaliser cette collection pour à la disposition des citoyens? C'est quand même des questions à se poser. Oui, ça va, j'imagine, être pour l'équipe de l'Institut canadien de Québec une manière de réfléchir justement à l'Artothèque, d'avoir cette réflexion, on déconstruit puis on reconstruit là, la bibliothèque Gabriel-Roy. Oui. Donc, c'est des tout nouveaux espaces. Donc, de réfléchir quel espace on donne à l'Artothèque et comment on met l'art en valeur aussi au sein de ces lieux-là. Exactement. Puis, dans un article, il semblait y avoir, en décembre 2017, on parlait de 2000 locations d'œuvres par année. Donc, ça répond à une demande, ça répond à un besoin, puis ça suscite d'intérêt. Donc, je voulais vous en parler aujourd'hui. Il y a aussi l'équivalent à l'Université Laval, l'Imagothèque. Elle avait été fondée, donc, je crois que c'est en 87. Et là, c'est plus pour mettre en valeur des œuvres qui ont été faites par des étudiants, des gens qui sont passés par l'Université Laval. Les gens qui sont passés dans leur vie à l'Université Laval. Donc, j'imagine que c'est une collection qui est quand même assez différente, j'imagine, à l'Imagothèque. Oui, on parle plus, il y a plus de peintures, plus d'originaux. Il y a moins de séries ou de reproductions. Oui, plus audacieux, peut-être plus vivant. Mm-hmm. J'ai pas feuilleter tout le catalogue, mais tout de même, ça, c'est disponible sur Internet, le catalogue virtuel. Oui, hein. Et il y a des tarifs pour étudiants et pour le grand public. Le grand public. En tant que non-étudiant, moi, je suis jamais allée à l'Université Laval, je peux aller là-bas et puis emprunter quand même une œuvre moyennant un tarif plus élevé. Là. Exactement. Oui, c'est quand même plus. On parle de 20 $ pour 4 mois, par contre, c'est plus long. Et on peut renouveler aussi. Donc, même si on l'étale sur 4 mois, le 20 $, c'est pas... Oui, c'est ça, ça revient. Puis c'est que ça peut... Notre mur, au fond, devant, mettons, dans notre cuisine, ça change tout le temps. Et donc, c'est à chaque mois, on renouvelle une expérience. Oui, cette idée d'avoir une exposition qui se renouvelle toujours dans son foyer, c'est quand même intéressant comme principe. Puis c'est la proximité de l'œuvre. C'est de la vivre aussi à toute heure du jour, d'avoir une lecture différente. Enfin, c'est vraiment intéressant. Il y a d'autres lieux aussi où on peut... acquérir. Là, je vous parle, c'est ça, du côté pratico-pratique, là, faire entrer l'art dans sa vie. Oui. Il y a d'autres façons, hormis les galeries. Il y a aussi, on peut être à l'affût lorsque les artistes font des pop-up shows, un peu des événements. Des événements. Ouais. Et donc, à ce sujet-là, il y a une exposition éphémère qui se termine vendredi, donc il faut y aller. C'est le collectif 8 qui a pris un local sur la rue Saint-Joseph. Oui, l'ancienne chocolaterie là, qui commence à devenir un lieu d'art couru par les artistes. Exactement. Et puis, on parle donc de 8 artistes en art visuel de Québec, de Trois-Rivières, qui se sont regroupés pour créer, diffuser et partager. C'est vraiment un collectif libre, très actif, qui aussi a proposé, durant les heures d'ouverture, là, des activités de peinture en direct, des ateliers créatifs. Ce soir, après l'émission, à 6h45, il y a du yoga. Donc, c'est pourquoi pas, on essaye. Et le vendredi, il y a la fête de fermeture là, avec... un bar contributif, de la musique, etc. Et là, toutes les œuvres sont à vendre. Je suis pas rentrée voir l'exposition. Je suis passée quelques fois en face, mais ça fait vraiment salon là, comme accrochage. Oui, exactement. C'est assez chargé. Et chaque artiste a sa zone, au fond. Mm-hmm. Et Salon. Salon. Du plancher au plafond. Exactement. Très festif. Ensuite, il y a évidemment le salon Nouveau Genre. Oui, qui commence en fin de semaine. Là, cette année, on a 2 fins de semaine. Exactement. Avec des créateurs différents chaque fin de semaine. Ça va être fabuleux. C'est la 10e année du Salon Nouveau Genre cette année. Ah, c'est fort excitant. Et c'est vraiment l'opportunité de découvrir des illustrateurs. Oui. Particulièrement, il y a plein d'autres artistes, évidemment, mais j'attirerai votre attention sur les illustrateurs qui, vraiment, c'est une façon là aussi de pouvoir acquérir une image, puisque les illustrateurs font souvent des impressions numériques de haute qualité. Mm-hmm. Et c'est vraiment là, c'est fascinant. En plus, on peut vraiment... rencontrer la personne et constater tout son univers au kiosque. Et voilà, donc c'est fabuleux. Il y a la foire aussi en art actuel de Québec qui va avoir aussi un événement qui offre des œuvres un peu pour toutes les bourses. Là. Mm. Donc oui, on a des œuvres qui vont être plus accessibles, justement des lithographies, des séries, mais également des œuvres un peu plus cher. Puis c'est intéressant parce que la foire en art actuel va à chaque année présenter des artistes différents. C'est également une façon de faire des découvertes. Exactement. Mais merci beaucoup Claire Dumoulin pour ce bel aperçu de l'emprunt et de débuter l'acquisition d'œuvres d'art dans notre vie. Nous on va partir pour une petite pause audio et au retour peut-être que je vais m'entretenir avec Georgia Volpe. Ah, je vous souhaite. Thank you. Alors, de retour à l'aérospatiale, une belle musique d'ambiance que Simon Roy nous propose ce soir. Donc, j'avais l'intention de recevoir Georgia Volpe, qui ne peut malheureusement pas être en studio actuellement, mais je vais parler de son exposition. Donc, c'est une exposition, mais c'est pas une exposition d'art, c'est une exposition qui présente un processus de création d'une œuvre d'art public qui va être présentée à l'été 2020. Donc, l'artiste Georgia Volpe nous a habitués à son processus de création qui sollicite beaucoup la population. Donc, un art qu'on pourrait appeler un art relationnel. Donc, c'est un projet qui se tient depuis cette année à la bibliothèque Monique Corriveau à Sainte-Foy. Donc, avec la participation d'une quinzaine ou d'une dizaine de citoyens, de citoyennes qui ont fait différentes activités de médiation artistique avec l'artiste. Et chacune des activités fait l'objet en ce moment d'une exposition. Donc, chacune des activités est présentée sous une cloche de plexiglas, sous un cube de plexiglas. Donc, on a une activité qui a eu lieu en septembre, intitulée « La poésie », où les participants ont joué avec les mots et on crée un collage autour du thème de l'amour, donc en découpant des livres. Donc on est vraiment dans l'ambiance de la bibliothèque du livre. Également une activité qui a eu lieu le 10 juin où les participantes sont allés au marché aux puces du Cégep de Sainte-Foy, au marché aux puces de Sainte-Foy. Donc, ce marché aux puces estival où on peut trouver beaucoup de babioles, un peu de tout, et qui ont trouvé des antiquités et qui les ont transformées, qui en ont fait, donc qui se les ont appropriées et qui les ont transformées en petites œuvres d'art qui sont présentées. Donc, on a beaucoup de jouets. Donc, on est vraiment dans le ludique, donc des modules de construction, une toupie. Les participants ont également été encouragés à faire différentes performances dans ces activités-là. Donc, ça faisait partie des questions que je voulais poser à Georgia Volpe. J'ai Georgia Volpe au bout du fil. Allô, Georgia? Allô? Ça va bien? C'est Gentiane? Oui, on est en studio. Ah, bonjour, je m'excuse, j'étais à l'hôpital, j'ai pas pu me... Ben oui, c'est ça que j'expliquais aux auditeurs, donc j'essaie d'expliquer un peu l'exposition qui a lieu en ce moment à la bibliothèque Monique Corriveau. Donc, oui. une quinzaine de participants qui ont fait différentes activités tout au cours de l'année, c'est ça? Oui, exactement. Oui. Et donc, j'en étais à cette activité, la parade, qui a eu lieu le 12 octobre. C'était une performance qui était proposée? Mais en fait, je peux vous expliquer oui. Dès le départ. C'est un projet d'art public avec médiation de la ville de Québec. Donc, je suis en processus de travail depuis le mois d'avril avec une quinzaine de participants, citoyens du quartier, de différents horizons, qui viennent me rejoindre pour un travail d'atelier. Et lors de l'atelier, il y a plusieurs explorations. L'idée, c'est construire des pop-up performatives sur différentes formes, qui soient les mouvements, la danse, qui soient les livres, qui soient l'architecture, qui soient la poésie. Et donc, les participants sont invités à travailler sur l'idée des pop-up. Et on a eu une série d'interventions, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la bibliothèque Monique Corriveau. Donc, on a coupé les parvis, justement, le long du projet, sur le parvis de la plage, l'espace de liberté, où on avait ces activités qui se déployaient avec les participants. Donc, si je peux conclure, c'est vendredi à 19h. On invite la population, tous, curieux de voir ce projet, des ateliers ainsi qu'une vidéo qui sont présentement en exposition à la bibliothèque Monique Corriveau. Donc, dont le finissage, c'est justement vendredi le 30 à 17h. Oui, donc tous les participants, les participantes au projet vont être sur place pour pouvoir discuter avec les visiteurs. Oui, oui, on va discuter de notre processus. Il y a aussi des boîtes qui ont été créées lors de chaque rencontre. Il y a aussi une vidéo d'Olivier Dubois qui a été fait en vidéo art qui a été fait pendant les ateliers. Et donc, il y a beaucoup de choses à voir, à discuter. Tout ça, rassemblé, ça va inspirer l'œuvre que je vais concevoir pour le parvis, justement, de la bibliothèque en 2020. Bien, merci beaucoup, Georgia Volpe. Et on se donne rendez-vous vendredi le 30 novembre à partir de 17h à la bibliothèque Monique Corriveau. À partir de 19h. De 19h, pardon. Et nous, on va partir en pause publicitaire. Premier acte, en collaboration avec la Caisse Desjardins de Québec et le Théâtre Bistouri, présente le retour de la comédie « Conversation avec mon pénis ». Marie-Lie Picknell et Marc-André Thibault forment un duo éclatant et livrent une performance solide, drôle et parfois touchante. Le spectacle acclamé remplit les salles partout au Québec et fait un nouvel arrêt au Théâtre Premier Acte pour 6 représentations seulement, du 27 novembre au 6 décembre. Pour information ou achat de billets, premieracte.ca. Les Titans du Cégep Limoilou. Nous visons le développement d'étudiants athlètes qui participent activement à la vie sportive du Cégep. Au calendrier cette semaine, vendredi 30 novembre, 19h, basketball division 3 féminin, Cégep Limoilou reçoit Sainte-Foy. Vendredi 30 novembre, 21h, basketball division 3 masculin, Cégep Limoilou reçoit Sainte-Foy. Samedi 1er décembre, 16h, basketball division 2 féminin, Cégep Limoilou reçoit Rimouski. Samedi 1er décembre, 18h, basketball division 2 masculin, Cégep Limoilou reçoit Rimouski. Samedi 1er décembre, 19h30, hockey féminin division 1, Harpidrome reçoit Lennoxville. Dimanche 2 décembre, midi, basketball division 3 féminin, Cégep Limoilou reçoit Rivière-du-Loup. Et dimanche 2 décembre, 15h30, hockey féminin division 1, Harpidrome reçoit André Laurando. Les Titans du Cégep Limoilou, une dynastie depuis plus de 35 ans. La science vous inspire, vous intrigue, vous émerveille? Alors Futur Simple est naturellement vôtre. La science vous rebute? Futur Simple est aussi pour vous. Parce qu'à Futur Simple, on ne dévoile pas seulement les découvertes médicales, les préoccupations environnementales et les nouvelles cosmiques. On cultive aussi l'insolite, le surprenant, avec passion et humour. Futur Simple le jeudi, 17h30. La Korrigan se met en mode impro tous les dimanches soirs. Assistez au match de la 19e saison de la GIF en bonne compagnie. Venez rire aux éclats, huer l'impitoyable arbitre, voter pour vos équipes favorites et déguster une succulente bière de microbrasserie. L'École bleue, les Esties, l'Armée rouge et le Géant ont 1000 histoires à vous raconter. Entrée gratuite, contribution volontaire appréciée. La GIF, de l'impro bonne pour la santé. Tous les dimanches 20h à La Korrigan. Le vendredi 30 novembre, la Maison de la littérature reçoit Tristan Malavoie et son spectacle musical « L'école des vertiges ». Un carnet de voyage écrit sur la route, à bord du Transsibérien, sur les rives du Mississippi et sur quelques routes oubliées du Québec. En duo avec Véronique Balthazar, Tristan Malavoie présentera les perles de son récent opus et revisitera les pièces phares de ses autres disques. La machine à aimer, on répare ça. Billets et informations à la Maison de la littérature. La machine à aimer, on répare ça comment? Alors, en ce retour de pause, j'ai eu le temps de respirer un peu et je reçois Laetitia Baumel, bonsoir. Bonsoir. Et Pierre Barrelon, bonsoir. Bonsoir. Je prononce bien vos noms, ça va? Oui? Parfait. dans la perfection. Donc, vous présentez ensemble une exposition qui s'intitule « Empreinte, écrire la lumière » qui regroupe ta démarche photographique, Pierre Barrelon, et ta démarche poétique, Laetitia Baumel. Est-ce que vous pouvez tout d'abord me présenter brièvement un peu vos démarches respectives? Oui, Laetitia? Oui, alors je ne sais pas exactement expliquer comment, mais en tout cas, j'aime avoir plusieurs matériaux, enfin, j'ai beaucoup d'intérêt dans la vie en général, et donc j'aime mêler tout ça. Juste mon doctorat, j'en ai parlé un peu avec toi tout à l'heure, c'est volet agriculture, volet littérature, ben, c'est un peu pareil dans mon écriture. J'aime vraiment soit faire des collaborations avec des artistes, des projets collectifs, soit vraiment faire des démarches qui sont intermédiatiques, donc faire appel à deux matériaux, deux genres littéraires. J'aime bien les hybridations, en fait. Donc, c'est beaucoup l'idée. Et Pierre, c'est vraiment une démarche de photographie en noir et blanc qui s'inscrit dans l'observation de la nature. Oui, il y a l'observation de la nature. Je suis biologiste de formation. Mm-hmm. Je me suis dirigé vers la photographie il y a maintenant 6 ou 7 ans. Mm-hmm. La photo que j'avais découverte dans mon travail de biologiste, c'était à l'origine plus de la photo scientifique que je pratiquais, puis ça a dérivé petit à petit vers la photo artistique avec la découverte de la passion pour la chambre noire, puis la photographie argentique sur film, puis le rapport vraiment particulier, tactile, puis presque un peu magique qu'on a à la photographie. Que j'aime beaucoup en chambre noire. Oui, le travail en chambre noire, c'est vraiment quelque chose de fabuleux, de voir l'image apparaître dans le révélateur, d'avoir tous ces contrôles qu'on utilise à partir de la chimie, à partir de nos gestes. Donc, c'est de manipuler la lumière, c'est vraiment quelque chose de très poétique. Et puis là, je fais des liens, évidemment. Et la façon dont sont imprimés les textes, parce que là, j'ai présenté brièvement l'expo en trois mots, mais c'est une exposition dont les tirages photographiques et les textes qui sont encadrés, présentés de part et d'autre, qui s'inscrivent en dialogue, donc des diptyques, si on veut. Et la façon d'imprimer les textes, une facture assez artisanale. Est-ce que tu peux nous expliquer, Laetitia Baumel, comment sont imprimés ces textes-là? Alors, c'est pas moi qui ai fait, justement, oui. c'est par photogravure que ça a été fait. Okay. Donc, c'est Pierre qui m'avait soumis l'idée au moment où on montait l'expo. Et en fait, l'idée, c'était aussi de dire que on ne voulait pas mettre de hiérarchie entre le travail qui avait été fait par Pierre et le travail que j'avais fait moi. On voulait vraiment mettre aussi le texte au même niveau que l'œuvre d'art visuel, donc vraiment encadrer le texte pour montrer son importance aussi. Et puis, c'est à ce moment-là que Pierre m'a suggéré qu'on puisse faire une impression un peu plus précieuse, un peu plus fine. Et il m'a dit, écoute, on pourrait faire de la photogravure. Donc, le texte, là, a l'air vraiment... on voit vraiment le relief aussi. On voit aussi les imperfections. Oui, c'est ça. Il y a une place pour l'accident. Il y a des mots qui s'effacent. Il y a des bavures aussi qui se créent. Donc, il y a ce côté artisanal qui vient créer un pont aussi entre les deux, outre des idées, de l'imaginaire, de tout ce qui peut se passer dans le dialogue, mais il y a quelque chose aussi dans la matérialité. Et puis, si on continue à parler de ce jumelage, d'où vous est venue l'idée de cette exposition, en fait? Ben, au départ, c'était vraiment dans le cadre de mes études, moi, en création littéraire. Je voulais faire un mémoire de création en poésie, mais je me rappelle pas exactement comment on a démarré tout ça. Toi, c'est vrai que l'origine du projet, c'était réellement de faire un recueil de photographies et de textes. Puis ça s'inscrivait dans un travail universitaire de Laetitia. Mais très vite, on a senti la thématique de l'empreinte. Qui émergeait et on a moi de toute façon les photographies passent nécessairement par le processus complet argentique, donc il y a une matérialité qui apparaît nécessairement, même si pour l'auto-édition du premier livre, si on peut appeler ça comme ça, on a été appelé à numériser les choses. J'avais quand même des épreuves physiques, des objets réels. Mmh. Et la thématique de l'empreinte et cette matérialité-là des photos appelait un petit peu le pendant au niveau des textes, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à produire un petit peu tout ce matériel. C'est drôle parce que c'est vraiment en l'observant travailler lui. Mm-hmm. Moi, j'ai commencé à faire un peu le même processus en poésie. Donc, j'ai gardé tous mes petits fragments, mes carnets de notes, j'ai gardé les versions successives de mes textes. Donc, j'ai commencé à faire une sorte d'archivage de mon processus, comme il fait lui, en gardant ses pellicules, ses planches contact, ses différents tirages. Puis, c'est vraiment, je pense, ça s'est fait petit à petit. Puis il y avait aussi le fait que je m'intéressais au travail d'une photographe franco-canadienne qui est Alix Cléo-Roubaud, qui elle faisait beaucoup ça aussi, de garder des notes, des carnets, puis elle était photographe aussi, donc c'était... Donc tout ce travail-là, j'appelle ça le jumelage, parce qu'on s'entend, c'est un peu le jumelage d'un texte avec une photographie. Donc tout ce travail-là de jumelage, c'est plutôt fait dans la sélection que dans la production, si je comprends bien? Oh non, je dirais pas ça, non. Parce qu'il y a réellement un souci de co-créer et puis de créer en intermédialité. C'est quelque chose que c'est un concept sur lequel travaillait Laetitia à l'époque. Puis c'est peut-être toi la mieux placée pour en parler. Non, ouais, c'est ça. C'était vraiment de dire, bon, on a souvent l'auteur va écrire un texte, puis on va choisir dans une banque d'images quelque chose pour illustrer le texte, mm-hmm. un peu de manière artificielle. Mm-hmm. Nous, ça n'a pas du tout été la démarche. On s'est donné, on a essayé différentes choses. On a pu, des fois, par exemple, se dire, OK, on va écouter la même musique, puis Pierre partait avec une musique dans les oreilles, elle est photographiée dans Charlevoix. Moi, j'avais la même musique, je ne sais pas ce qu'il allait faire, mais je me mets à écrire, et puis on était surpris de voir des fois les correspondances. Ça pouvait être par ce biais-là. Ça pouvait être Pierre qui faisait une photo, qui ensuite je reprenais la structure de sa photo. Par exemple, s'il y avait trois grandes plages, j'allais faire un poème avec trois grandes strophes. Donc, essayer de reprendre soit des structures, soit des ambiances et des matières, soit vraiment... Donc, on a essayé plusieurs techniques, là, je pense, de création intermédiatique. Donc, au niveau de l'inspiration, au niveau de la forme que ça peut prendre, de la structure. Donc, vous avez vraiment exploré différentes manières de mettre en dialogue les photographies et le texte. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué dans les textes, dans les poèmes, on parle des gens, on parle des sentiments de vie, de mort, alors que dans les photographies, on représente des paysages qui sont vides de toute trace humaine. Comment est-ce que vous avez réfléchi le contraste entre les deux? Est-ce que c'est un espace qui est aménagé pour l'imaginaire du spectateur? Comment vous réfléchissez cette espèce de débalancement, de contraste entre les deux? Ben, c'est vrai que ça peut paraître être un contraste dans la mesure où les photos sont pour la plupart des espèces de micro-paysages, mm-hmm. et les textes parlent de l'empreinte que laissent les gens sur nous, mm-hmm. Les gens et nos relations. Mais en même temps, ces micro-paysages que j'ai voulu faire, il y a vraiment un lien très fort avec l'intime. Et je trouve que c'est un lien qui est très très fort entre nos deux propositions dans ce projet-là. Oui, donc des cadrages qui sont très rapprochés, qui nous font plonger dans quelques détails du paysage. Donc quelque chose de peut-être plus... qui relève peut-être plus du méditatif, du contemplatif, je dirais. Oui, puis vraiment de la matière. Moi, je trouve qu'on retourne beaucoup. Mm-hmm. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on s'est aperçu de tout ça un peu à la fin, quand on a commencé à vouloir faire un livre. On s'est aperçu de ça, qu'il n'y avait pas de gens dans les photos, puis que moi, au contraire, ça parlait beaucoup des êtres. Mais ces contrastes-là sont apparus... d'eux-mêmes, j'allais dire. Puis on est beaucoup allé dans la matière. Moi-même, dans mes textes, on parle de l'eau sous toutes ses formes, la glace, les plantes aussi. Puis toi, tes photos sont très organiques aussi, très dans la matérialité, le corps. Puis finalement, ça a donné un livre qui s'appelle Notre sang volatile. Donc on retourne vraiment vers quelque chose aussi. Le sang, c'est aussi notre corps et puis le concret, en fait. Et cette dualité, ce contraste que tu évoquais, ça s'est matérialisé dans le livre lui-même, puisque la maison d'édition, donc Arles Sabor, qui va produire, qui a édité le livre. Oui, parce que le lancement, c'est demain. Oui, c'est demain. C'est tout est merveilleux. Tout est dans tout. Et bien, en fait, il y a vraiment c'est un livre tête bêche. Donc, on a deux entrées dans ce livre-là. Donc, mm-hmm. cette idée de contraste qu'on soulève, puis cette dualité, elle est présente même dans la forme du livre, finalement. Alors, demain, c'est le vernissage. C'est le lancement du livre et de la revue, également le numéro 11 de la revue Le Sabor, qui est sur le thème Songe. C'est à partir de 17h à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Je vous remercie beaucoup, Laetitia Bounel. Merci de nous avoir reçus. Pierre Barrelon. Merci beaucoup. Et nous, on se laisse avec un extrait de Unhandled. Alors, c'était un extrait de Block Data, toujours une proposition de Simon Roy. Donc, on est vraiment dans la musique d'ambiance très, très relaxante. J'en ai besoin parce que ça bouge un peu dans ma vie en ce moment. Alors, Anne-Sophie Hamel, bonsoir. Bonsoir, Gentiane. Toutes les deux, on est allées voir les prix d'excellence des arts et de la culture qui sont octroyés par le Conseil de la culture Québec, des régions de Québec et Chaudière-Appalaches à chaque année. Oui. Et chaque année, c'est l'occasion de remettre les prix Vidéré qui sont plus spécifiques dédié aux arts visuels. Oui, tout à fait. Donc ça, c'était lundi soir, lundi 26 novembre, au Musée de la civilisation. Belle ambiance comme d'habitude, une animation qui nous fait toujours bien rire. Oui, Nicolas Jobin est extraordinaire comme animateur. Ouais, vraiment. Oui, oui, vraiment. Tu t'ennuies pas. Il dans l'improvisation, vraiment, et puis il nous fait des belles métaphores, mm-hmm. des belles petites blagues, toujours très, très, très, très agréable comme c'est animation. Ça. Il avait interdit les longs discours, j'ai beaucoup aimé. Et donc, c'est ça, on a toujours nous plus d'attention sur les prix Vidéré, donc pour les créations en art visuel. Alors cette année, le prix Vidéré création en art visuel, c'est le sculpteur Ludovic Bonnet qui l'a eu. Oui, donc pour son exposition Sous les chatons qui était présentée à la galerie Michel Guimond. C'est ça, en novembre 2017. Et pour vous raconter un petit peu, si vous ne l'avez pas vu, c'était 15 000 fleurs de bouleau en céramique suspendues dans les airs de toutes les couleurs. Qui avaient été produites par Lauriane Thibaudeau, qui travaillait dans l'ombre de cette exposition-là. Oui. Donc notre chroniqueuse de l'an dernier, là, qui ne peut pas être là cette saison-ci, mais qui avait travaillé très très fort sur ces petits chatons de bouleau. Vraiment, vraiment un travail, comme d'habitude, assez incroyable. C'est d'ailleurs, pour ceux qui le connaissent, c'est lui qui avait fait le 1% du pavillon Pierre Lassonde du MNBAC. Oui, c'était un travail vraiment immersif. Hein? Donc, on entrait dans cette espèce de pluie immobile de chatons avec plein de couleurs différentes. Mm-hmm. Et c'est drôle parce qu'on parlait de collectionnement au début de l'émission. C'était aussi une occasion de faire une acquisition à un coût très, très bas là, d'œuvres d'art. Oui, vraiment. Vraiment. Et il l'a précisé également, ça lui a demandé combien de 40 personnes qui l'ont aidé au montage? Je me souviens plus du nom, mais c'était beaucoup. C'était vraiment beaucoup. Parce qu'on parle vraiment de toutes petites pièces accrochées avec du fil au plafond. Il a coupé ses remerciements en disant je les remercie tous. Oui, Ludovic n'est pas le plus bavard de tous nos grands gagnants cette année. Et pour la relève, c'était Kael Mercader qui a gagné le prix Vidéré qui est consacré à la relève. Oui, tout à fait. Pour une exposition qui est faite dans la vitrine des membres à regard. Oui, exactement. Le projet s'appelait Entité. C'était un tableau naturaliste en trois dimensions qui était vraiment dans la vitrine justement du centre et qui reprenait vraiment un bel espace. Je rappelle un petit peu l'image. C'était, tu me coupes si je me trompe, hein, tu t'es assez... Moi, j'étais même pas là. T'étais pas là? Bon, bah voilà. Donc, le petit rappel, c'est un cheval licorne qui est mordu par un loup à la patte arrière droite, avec devant un cavalier androgyne au milieu des hautes herbes, quelque chose de vraiment extrêmement naturaliste, un diorama vraiment en trois dimensions comme ça, qui était très prenant. Puis il a fait, je ne l'ai pas vu, mais il paraît qu'il a fait une très belle performance. Oui, c'est pour la performance que j'étais pas là. Donc la performance qu'il a fait en vitrine, en fait, c'était également une façon pour lui, je crois, d'établir une espèce de micro nation un peu indépendante. D'accord. Du reste de l'univers. Donc, il y avait comme un geste un peu politique aussi dans tout ça. Et il a fait une performance devant le public là, à l'occasion du vernissage et à l'occasion des Journées de la culture. Donc, Kael Mercader, qui nous avait beaucoup plus habitués à son travail qui relève de l'illustration, s'est lancé cette fois-ci dans quelque chose de beaucoup plus installatif, mm-hmm. performatif. Donc, il a libéré un peu là, son moi intérieur. Oui, vraiment. Puis, je pense que là, il est dans la relève, c'est quand même 7 ans, moins de 7 ans de pratique. Mm-hmm. Je pense qu'il a vraiment des beaux jours devant lui parce qu'il nous a fait déjà des belles propositions. Et espérons que ce prix va encore plus faire parler de lui. Ah ben oui, ça c'est sûr qu'un prix comme ça aide à bien partir une carrière. Mais oui. Et il y avait également le prix reconnaissance. Oui. Donc le prix reconnaissance, c'est à chaque année on remet un prix reconnaissance, mais il n'y a pas de nomination. Donc c'est toujours une surprise. Exactement. Donc c'est une artiste ou un artiste qui a été sélectionné pour plus de 20 ans de pratique. Donc, effectivement, et cette fois, il n'y a pas de jury de la même façon. Ça reste une surprise. Et cette année, c'est Helga Schlitter, une artiste québécoise depuis plus de 40 ans. Mais d'origine mexicaine. Et ce qui est très intéressant dans ces sculptures, où je crois qu'elle a aussi des peintures, je suis moins sûre, je connais un petit peu moins son travail. Il y a un travail beaucoup avec l'installation, la sculpture, mais il y a un grand travail de couleur oui, aussi vraiment. Dans sa pratique. Elle mélange vraiment les traditions québécoises aux couleurs et aux habitudes artistiques mexicaines. Vraiment des mélanges très surprenants. Donc, une belle reconnaissance. Alors, c'était les prix Vidéry, mais vous pouvez également aller voir sur le site du Conseil de la culture des régions de Québec et Chaudière-Appalaches pour voir aussi l'ensemble des prix qui ont été remis oui. lors de cette soirée des prix d'excellence des arts et de la culture à Québec. Et nous, on va partir pour une petite pause audio et au retour, ça sera l'agenda de la semaine. Merci, Jean-Diane. Merci, Anne-Sophie. Alors, c'était un extrait de « Invisible désintégration de l'univers » de Fishback, encore une proposition de Simon Roy. Donc, c'est tiré de l'album « À ta merci ». Et c'est maintenant, le temps est venu pour l'agenda de la semaine. Donc, cette semaine, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le milieu des arts visuels à Québec, dont ce soir, c'est le vernissage de l'exposition « Parade et riposte » de Nathalie Thibault. Donc, c'est au 765B de la rue Saint-Joseph et c'est organisé par la toute nouvelle Galerie A qui commence à faire ses preuves dans le milieu des arts à Québec. Il y a également demain une conférence de Maxime Coulombe à partir de 16h30. C'est dans le cadre de l'exposition présentée à la Galerie des arts de l'Université Laval et c'est à la fabrique, à la salle de critique. Également demain, on en parlait tout à l'heure, c'est le lancement du livre Notre sang volatile et le lancement également du numéro 111 du Sabord, tout en même temps que le vernissage de l'exposition Empreinte, Écrire la lumière. Et toute la fin de semaine, il y a l'exposition Canadian Bacon, donc la 7e édition, Extra fromage, qui va être présentée au 255 rue Notre-Dame-des-Anges. Si vous voulez assister au vernissage, une nouveauté cette année, il faut aller se procurer un billet au Knockout. C'est également la rencontre internationale d'art performance qui débute son 4e volet, Asie et Océanie. Donc,

Thank you.